Le balado commencera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Ce balado vous est présenté par la toute nouvelle Ascent 2019, la plus grande Subaru jamais construite. Elle a trois rangées, de la place pour 7 ou 8 personnes, 19 porte-gobelets et la sécurité légendaire d'une Subaru. Venez la découvrir chez votre concessionnaire Subaru participant. Subaru, confiance et évolution. Le balado commence dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire sur les pas de Pina Bausch. Pina Bausch, ou la danse de la vie. Pina Bausch a influencé alors tout ce que l'on appelle la danse-théâtre. Et assister à un spectacle de Pina Bausch, c'est totalement se remettre, soit spectateur, en question complètement. C'est très puissant. Henri Barras, le directeur artistique de la Place des Arts à l'émission Les Belles Heures, le 5 septembre 1985, assister à un spectacle de Pina Bausch, c'est se remettre en question comme spectateur, dit-il. D'autres diront qu'on ne regarde pas une pièce de Pina Bausch, mais qu'on la vit. C'est dire toute l'intensité du travail de la célèbre danseuse et chorégraphe allemande. Avec sa danse-théâtre, Pina Bausch a en quelque sorte révolutionné la danse. Elle fait partie des deux ou trois grands noms à avoir marqué profondément l'histoire de la danse contemporaine. Et Pina Bausch, je vais vous poser une grande question, moi aussi que je devrais mettre en guillemets. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante, Pina Bausch? Je pense qu'elle est importante parce qu'elle a fait une... elle pose des questions que des tas de gens se posent. Et c'est peut-être une question aussi de temps. Elle est arrivée à un moment où les gens avaient envie de voir une autre forme de danse ou de théâtre, comme on veut l'appeler. Et bon, il y a plein de gens qui trouvent qu'il faut avoir une espèce d'éducation en tant que spectateur pour voir les spectacles de Pina, mais je pense pas, parce que comme on voyage beaucoup, on rencontre des tas de gens différents. Et je crois que souvent, c'est les gens les moins entraînés au théâtre ou à la danse qui reçoivent les choses le plus spontanément et le plus juste, souvent. Il y a quelque chose il y a une vie qui est là, et je crois qui est importante, qui touche beaucoup les gens. Sur la musique du film Pina, réalisé par Wim Wenders en 2011, vous entendiez le danseur Dominique Merci, collaborateur de très longue date de Pina Bausch, à l'émission Présence de l'art, animée par Christiane Charette en 1989, pour nous parler de l'œuvre, de l'importance de Pina Bausch en danse contemporaine. Mon invité André Martin, qui est professeur au département de danse de l'Université du Québec à Montréal. André Martin, bonjour. Bonjour. Quelle importance elle a, Pina Bausch, dans l'histoire de la danse contemporaine? Vous la placez où, vous, parmi les géant de la danse? Ben, je la place au sommet parce qu'il n'y a pas d'équivalent à Pina Bausch. Il n'y a pas d'équivalent en termes de carrière, en termes de renommée et en termes de talent artistique. Pina Bausch n'était pas seulement une chorégraphe. Pina Bausch était une artiste de tous les domaines, spécialement le domaine des arts vivants. Elle a révolutionné la danse et elle a aussi changé le théâtre. Et c'est la seule artiste de la danse qui a réussi à faire ça sans même vouloir le faire, en quelque sorte. Sans compter toute l'émotion qui se trouve dans son travail, la beauté, un côté esthétique, l'âme humaine qu'elle fouille. Mais ça, on va y revenir au cours de cette émission. Parlez-moi quand même un petit peu de votre rencontre avec Pina Bausch, parce que c'est plus qu'anecdotique. Ça dit quelque chose sur son travail à une certaine époque. Comment l'avez-vous rencontré, découverte, Pina Bausch? Ben, je l'ai rencontrée comme toute jeune étudiante en danse. C'était la chorégraphe à voir. Et donc, j'étais jeune étudiante à Paris et il y avait une seule manière de pouvoir voir un spectacle de Pina Bausch à cette époque, au début des années 80, c'était de prendre un abonnement au théâtre de la ville. Et donc, il fallait réserver une année à l'avance son billet. Donc, il fallait choisir sa date. Ouais. Donc, c'était un rendez-vous ouais. avec Pina Bausch. Comment elle en vient à la danse? Quand est-ce que ça se passe pour elle? Qu'est-ce qui fait que tout à coup elle s'intéresse à la danse, Pina Bausch? Oh, Pina Bausch, je pense qu'elle a toujours été intéressée par la danse parce qu'elle commence plus ou moins à l'âge de 5 ans. Petite fille, elle est intéressée, elle aime danser, elle aime bouger. Et très tôt, on lui demande de faire de petits rôles, en fait. Et donc, elle joue toutes sortes de petits rôles à l'opéra, dans des opérettes et tout ça. Et dès l'âge de 15 ans, elle entre à la célèbre école des scènes qui est dirigée à ce moment-là par Curtius, une des grandes figures de l'expressionnisme allemand. Et à partir de là, elle le dit elle-même, elle décide de consacrer sa vie à la scène. Elle ne dit pas sa vie à la danse, mais sa vie à la scène. Elle va partir pour New York, quoi, à la fin des années 50? Oui, c'est ça. Elle a à peine... elle a 18 ans quand elle décroche une bourse du gouvernement allemand pour poursuivre ses études à la célèbre Julia School à New York. Et là, elle est découverte littéralement, parce qu'elle est très, très jeune, mais elle a un talent fou. Mm-hmm. Et c'est une grande danseuse. Mm-hmm. Donc, dès l'âge de 21 ans, elle va être à l'American Ballet, puis ensuite au Metropolitan Opera. Ouais. Elle... Et pourquoi elle revient en Allemagne? Elle a une belle carrière déjà comme danseuse. Elle est à New York. Elle danse au Ballet du Met, à l'American Ballet. Pourquoi elle revient en Allemagne? Elle revient en Allemagne, en fait, parce que Curtius lui demande de revenir à Essen. Qui est un peu son mentor. Qui est son mentor, qui est peut-être la personne qui l'a plus influencé. Oui. Ce sont ses racines, en fait. Et donc, elle hésite un peu parce qu'elle pense passer sa vie à New York. Effectivement, elle a une très belle carrière. Et finalement, elle accepte. Elle revient à Essen, elle est soliste, elle danse dans la fameuse pièce La Table Verte de Curtius, qui est une des pièces les plus emblématiques de l'histoire de la danse au 20e siècle. Donc, elle a aussi une très belle carrière. Et là, on l'approche pour être directrice du ballet de Wuppertal. Et ça, ça se passe en 73, c'est son entrée, donc, puis la compagnie va changer de nom, mais au fond, elle s'installe à partir de 73 à Wuppertal, et elle commence donc à revisiter ce répertoire de la danse. Parlez-moi, parce que l'œuvre de Pina Bausch, puis on va le voir au fil de l'émission, se découpe en cycles. Commençons par ce premier cycle, le cycle des débuts. Comment décrire, André Martin, ce premier cycle-là, des jeunes années? Ce sont les années où elle se construit comme artiste créatrice, en fait. Et c'est assez étonnant quand on regarde ces années-là, parce que très tôt, donc elle va au début prendre des classiques, en fait. Donc le premier, c'est Iphigénie en Tauride, le deuxième, c'est Orphée et Eurydice. Mais rapidement, elle va créer le Sacre du printemps, qui est encore joué aujourd'hui, qui est parmi une de ses pièces qui a été le plus jouée, en fait. Évidemment, elle revisite ce répertoire, mais déjà avec sa touche, on n'est pas encore dans la danse-théâtre, on y vient dans un instant, mais déjà ses premières pièces portent la touche de Pina Bausch. Comment c'est reçu, ces premières œuvres-là, par le public? Bien, c'est à la fois bien reçu et mal reçu. En fait, parce qu'il y a un choc, déjà. Il y a un choc, parce que elle n'entend pas faire des classiques de façon classique, en fait. Elle s'intéresse aux pièces, mais pour ce qu'elles ont à dire. Et c'est un canal pour elle pour dire ce qu'elle a à dire. Et pour elle, l'être humain doit être au cœur de tout son travail. Et donc, tous les artifices, elle jette à la poubelle tous les artifices. Mmh. Et donc, le public ne comprend pas toujours ce qu'elle veut faire et la critique est assez virulente par moment. Mmh. Et c'est à la fois Iphigénie en Tauride est reconnue pour être la meilleure pièce en Allemagne à cette époque, puis en même temps, elle est hyper critiquée, à tel point que quand elle crée Barbe Bleue en 1977, la majeure partie de ses danseurs vont la quitter. Ah bon? Et elle va se retrouver avec 4 danseur. Ouais. C'est important, Barbe Bleue, en 77, parce que c'est vraiment là où elle entre dans ce qu'elle va appeler, parlons du deuxième cycle déjà, la danse-théâtre, qui est plus qu'un cycle, en fait, qui est un peu la signature de Pina Bausch. Mais comment définir d'abord ce concept de danse-théâtre? Bien, en fait, la danse, pour elle, ce n'est pas une technique. Donc, c'est une manière d'être sur scène, c'est une manière d'être au monde aussi. Et c'est la première personne, avec Anna Halprin, en fait, aux États-Unis, qui va vraiment affirmer cette chose-là de façon solide et définitive. Et donc, pour elle, ce qui est important, c'est de mettre en scène des hommes et des femmes. Donc, c'est une des premières personnes, chorégraphes, artistes, créatrices de la danse, qui va, par exemple, habiller ses danseurs en costume, donc en vêtements. Elle n'aura plus de costume, elle va avoir des vêtements du quotidien. Des vêtements du quotidien. Des danseurs qui parfois vont, on est dans la danse-théâtre, qui parfois vont s'adresser aux spectateurs, vont dialoguer. Il y a ça aussi dans son travail. Oui, ben, ce qui est particulier, c'est que c'est la première personne à avoir fait parler des danseurs. Ouais. Donc ça, c'était un truc incroyable à l'époque. Des danseurs qui parlent. On va revenir un petit peu plus longuement avec le prochain extrait sur Barbe Bleue, sur ce tournant, cette pièce qui a été très, très importante. Pina Bausch, dans cette pièce-là, aborde le thème de la violence que subissent les femmes. L'historienne du théâtre, Brigitte Gauthier, en parle dans le documentaire radio « Silencieuse Pina Bausch » diffusé à France Culture en 2011. Alors, ce qui se passe par rapport à des spectacles de Pina Bausch, c'est qu'on peut ne jamais être insensible. Elle vous prend, elle vous piège, elle vous agrippe. C'est esthétique ou c'est épouvantable? Alors la pièce, une des pièces les plus dérangeantes, c'est certainement Barbe Bleue. Le simple titre, on comprend. Il n'y a rien à découvrir, c'est comme chez Shakespeare, on sait de quoi il s'agit. Donc on voit des femmes jetées, c'est-à-dire balancées par terre. On voit des femmes larguées, c'est-à-dire s'écroulant. On les voit traîner, on les voit emmaillotées dans des draps, prisonnières de draps, mais des draps qui les emprisonnent. Et il y a une succession d'entassements d'une femme sur une autre à l'intérieur de ces draps. Et finalement, ce qui est très déroutant, c'est que des images qui sont notre quotidien, être virée, être larguée, être jetée contre un mur, au lieu d'être des mots, ça devient des images. Ça, c'est dérangeant. Violence, on a beaucoup dit que c'est un des thèmes, la violence contre les femmes, un des thèmes de Pina Bausch. Parlons de ça, pourquoi ça l'intéresse? Puis plus largement, qu'est-ce qui l'intéresse? De quoi elle nous parle dans son travail? Elle nous parle de la réalité. Elle est en prise directe avec la réalité. Et moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette idée de violence chez Pina Bausch. Oui, c'est cru. Mais Pina Bausch s'adresse au spectateur et pour elle, le spectateur, c'est lui qui construit ultimement la pièce. Mmh. Et donc, c'est une question de perception-réception, en fait. Et on parle beaucoup de violence chez Pina Bausch, mais il faudrait parler aussi d'humour, parce qu'il y a énormément d'humour. Il faudrait parler aussi de dérision. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle tourne en dérision beaucoup de choses. Et elle le dit elle-même, il faut savoir rire de soi-même, rire de qui on est comme être humain. Et c'est une femme qui est née en 1940, c'est une enfant de la guerre, elle est née dans la Ruhr. Et donc la Ruhr est une région du nord-ouest de l'Allemagne qui est pas particulièrement jolie, industrielle. Et donc tout ça va colorer aussi son regard d'être humain sur l'être humain. Oui. 1978, il y a ce grand coup de tonnerre dans le ciel de la danse, Café Muller, que beaucoup considèrent aujourd'hui encore comme son chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui vous touche quand vous voyez Café Muller? Qu'est-ce qui me touche? C'est pas de mots, c'est pas de mots pour le dire. Ça me touche là. Tous les gens, les personnes, la musique, ce qu'on voit, ce qui... Justement, ce qu'on ne peut pas dire, je crois. Je crois que c'est ça. Les émotions les plus fortes que je peux avoir, c'est les choses que je ne peux pas dire. Je le sens où ça me touche, qu'est-ce que ça me touche, et je sens quand c'est vraiment fort. Mais j'aime ça aussi parce qu'on ne peut pas le dire avec des mots. Mais ça passe toujours par des personnes, par des êtres humains. Extrait de la trame sonore de la pièce Café Muller, créée en 78, sur laquelle vous entendiez la danseuse Anne Martin au micro de Cécile Rodrigue à l'émission Les Belles Arts, le 24 septembre 85. Pourquoi, André Martin, Café Muller est une si grande pièce? Je pense que ça tient à la force de l'interprétation. En fait, moi, j'ai vu Café Muller sur scène et quand j'en revois des extraits, c'est toujours cette même force-là qui vient me chercher. Et c'est aussi la qualité de la création elle-même, la qualité dans sa véracité. C'est une pièce qui, face à l'être humain, est d'une grande vérité, d'un grand désespoir aussi. Et on est toujours happé par chacun des personnages. Et les interprètes sont comme complètement abandonnés dans leur rôle. Et c'est cette ouverture qu'elle crée chez les interprètes qui leur permet de plonger dans la pièce. C'est intéressant que vous parliez de la liberté qu'elle laisse aux danseurs parce que ça nous amène au dernier extrait de l'émission où justement certains de ces danseurs nous parlent de la méthode de travail de Pina Bausch. Je me demande par exemple quelle sorte de questions elle vous pose, Pina Bausch. Par exemple, il y a eu beaucoup de matériel qui a été fait autour de la tendresse. Elle avait demandé au départ 6 petits gestes de tendresse, soit qu'on se fait à soi, soit qu'on fait à quelqu'un d'autre, et puis après transposer, c'est-à-dire des tendresses agressives ou comme ça. Et maintenant, de plus en plus, on travaille, c'est plus ouvert, c'est-à-dire elle donne un titre, mais ça peut être plein de choses différentes. Ça veut dire qu'est-ce que vous pensez des dinosaures, et je ne sais pas, Titanic. Quoi, ça vous fait penser. Ou alors il y a une situation, je sais pas, quelque chose de bizarre dans la forêt. Puis des choses plus personnelles, des choses qu'on se rappelle qu'on aimait bien, que nos parents nous faisaient ou qu'on faisait avec eux. Des choses qu'on fait quand on est tout seul. Ce qui est pour moi fantastique avec Pina, c'est qu'elle fait appel à, bon, c'est un mot tellement galvaudé, un petit peu entre guillemets, l'être humain. Oui. Non, mais elle fait ce qui l'intéresse, c'est la personne elle-même. Ce qui m'a enrichi énormément et ce qui m'a apporté énormément avec Pina, c'est justement que j'avais l'impression d'être Dominique, là, pas simplement ou un danseur ou un acteur, enfin quelqu'un qui est sur scène et qui peut parler de certaines choses à travers lui et de pas simplement d'être une espèce de pantin qu'on fait gesticuler. Le danseur Dominique Mercier à l'émission Présence de l'art le 24 septembre 85, juste avant, le même jour, le 24 septembre 85, la danseuse Anne Martin, cette fois-là au micro de Cécile Rodrigue à l'émission Les Belles Heures. Comment travaille Pina Bausch, André Martin? Comment décrire ce que certains ont appelé le système Bausch? Bien, le système Bausch, c'est un système qu'elle a créé, qu'elle a monté carrément, et c'est un système qui fait appel à la collaboration des danseurs. Aujourd'hui, ça paraît assez normal, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout, en fait. Et donc, elle est sur le même pied d'égalité, quelque part, des danseurs, et elle leur pose des questions. Mm-hmm. Elle leur pose toutes sortes de questions, des questions très cartésiennes et d'autres complètement saugrenues, et ils doivent lui apporter une réponse. Ça, c'est vraiment un système qu'elle a inventé. L'autre système aussi, c'est ce qu'on appelle le collage-montage. Donc, elle travaille par système où elle est proche quelque part du cinéma, de la manière dont on fait du cinéma. Elle produit, grosso modo, une quarantaine d'heures de matériel, que ce soit du matériel dansé, du matériel parlé, du matériel sonore aussi, ces fameux collages-montages musicaux qui sont extrêmement importants. Et là, elle va essayer. Donc, c'est quelqu'un qui travaille par essai et erreur. Oui. Énormément par intuition, mais par essai et erreur. Et c'est comme ça que tout à coup, elle le dit elle-même, que la vérité apparaît et que donc une action avec une autre action va créer une sorte de vérité sur l'espèce humaine. Ouais. On a parlé du cycle des débuts, son retour vers le grand répertoire, mais avec la touche Pina Bausch. Son cycle, c'est plus qu'un cycle, c'est toute sa vie, de ce concept de danse-théâtre. À la fin des années 80, début des années 90, il y aura un autre cycle, le cycle qu'on appelle le cycle ville. Qu'est-ce que c'est? Le cycle ville, en fait, c'est quelque chose d'assez monumental. C'est qu'elle prenait toute sa compagnie et elle allait faire une résidence de création dans une ville, dans un pays particulier. Et là, ils amassaient du matériel, donc du matériel brut. Mais leur travail, c'était d'aller s'inspirer de la ville. Et après, avec tout ce matériel, autant un matériel sonore que des attitudes posturales chez les habitants, des couleurs, des textures, des odeurs. Et donc, ils revenaient tous ensemble, ouais, à Wuppertal. Et là, ils créaient une pièce. Et il y a quand même presque une dizaine de pièces qui ont été créées de cette manière-là. Pour elles, c'était une manière aussi de redonner un peu une part d'eux-mêmes à son public. Ouais. On boucle la boucle. On parlait de l'importance, dès le début de l'émission, de l'importance qu'elle a eue, de ce qu'elle représente pour la danse contemporaine. Parlons un peu, dans le même ordre d'idée, de l'héritage, de ce qu'elle a laissé. De ce qu'elle a laissé à qui? De quelle manière elle a été importante? Et qui a-t-elle influencé? Et quand je dis qui, je pense évidemment au monde de la danse, mais au monde du théâtre aussi. Pina Bausch, c'est la mère et la grand-mère de tous les chorégraphes et les danseurs contemporains. Ça, c'est indéniable. Et il y a longtemps, j'avais fait une entrevue avec Alain Platel, le directeur des ballets de C de la Baie, et c'est lui qui m'avait dit, vous savez, Madame Martin, Pina Bausch, c'est notre mère au niveau de la création. C'est elle qui a changé la manière de faire sur scène, qui a autorisé les danseurs qui parlent, les danseurs qui marchent. C'est elle aussi qui a transformé d'une certaine manière le théâtre. Oui. Parce qu'elle a autorisé aussi énormément toute la question du non-verbal sur scène. Donc, la question... Comment on amène un corps, un individu, à être ce qu'il est et en même temps à incarner quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, ça, c'était quelque chose qui n'était pas fait à l'époque. C'est elle qui va, avec son talent, avec sa poésie, c'est quelqu'un aussi qui lègue une interdisciplinarité sur scène. Mmh. Ça, souvent, on ne le dit pas. Ouais. Mais ses œuvres sont vraiment interdisciplinaire, autant au niveau du décor, des costumes, la musique. Et donc, elle va influencer des gens comme Yann Fabre, comme Anne-Thérèse, ouais, de Kirsmaker, Meg Stewart, Sidi Larbi-Cherkaoui, c'est Benoît Lachand. C'est-à-dire les plus grands qui sont encore aujourd'hui actifs. Oui, oui, oui, oui. Je pense qu'on a tous rêvé un peu de danser pour Pina Bausch. André Martin, professeur au département de danse de l'Université du Québec à Montréal, merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.